Amis humains, bonjour. Sixième volet de « Nous assistons à l'écroulement d'un monde, des forces immenses sont sur le point d'être déchaînées ». Entretien avec Frédéric Lordon. Frédéric Lordon est économiste. Il est directeur de recherche au CNRS et chercheur au Centre de sociologie européenne, CSE. Comédie sérieuse sur la crise financière. En quatre actes, et en alexandrin, Seuil, 2011, Capitalisme, désir et servitude, Marx et Spinoza, La fabrique, 2010, et L'intérêt souverain. Essai d'anthropologie économique, La découverte, 2011. Il a accordé un long entretien à la revue des livres fin décembre 2011. Il nous livre ses commentaires et analyses de la crise économique actuelle et de ses origines. Avec un ton incisif et un regard acerbe, il revient sur les causes et effets de la crise elle-même, mais commente également le traitement de l'économie par les médias, la place de l'économie au sein de l'institution universitaire, et l'éventuelle sortie de l'euro, sonnant le glas du projet néolibéral. L'actualité est, nous dit-il, une occasion unique de changement profond. Un monde s'écroule sous nos yeux. Alain Duhamel continue de pontifier dans Libération, le même journal, luttant désespérément pour faire oublier ses décennies libérales, n'en continue pas moins de confier l'une de ses plus décisives rubriques, la rubrique européenne, à Jean Quatremer qui a méthodiquement confié tous ceux qui dénonçaient l'état, maintenant visible de tout, de la construction néolibérale de l'Europe. Sur France Inter, Bernard Guet a franchi matinée après matinée tous les records de l'incohérence. Il faudrait le reconduire à ses dires d'il y a 5 ans à peine, je ne parle même pas de ceux de 2005, fameuse année du traité constitutionnel européen. L'émission hebdomadaire d'économie de France Culture oscille entre l'hilarant et l'affligeant en persistant à tendre le micro à des gens qui ont été les plus fervents soutiens doctrinaux du monde en train de s'écrouler, parmi lesquels Nicolas Bavré par exemple, sans doute le plus drôle de tous, qui s'est empressé de sermonner les gouvernements européens et de les enjoindre à la plus extrême rigueur avant de s'apercevoir que c'était une ânerie de plus. Et tous ces gens plastronnent dans la plus parfaite impunité, sans jamais que leurs employeurs ne leur retirent ni une chronique ni un micro, ni même ne leur demandent de s'expliquer ou de rendre compte de leur discours passé. Voilà le monde dans lequel nous vivons, monde de l'auto-blanchiment collectif des faillis. Comment comprendre aussi que ce qui arrive ne produise pas une indignation ou une colère plus importante encore, plus déterminée, plus organisée? Il y a l'œuvre comme une fabrique de l'impuissance, dont l'efficacité surpasse, jusqu'à maintenant, notre capacité à transformer notre indignation en puissance d'agir collective. Quels sont les ressorts de cette fabrique de l'impuissance? Il y a là en effet un mystère qu'il appartiendrait à la sociologie ou à la science politique d'éclairer, mais s'il m'est permis de risquer quelques intuitions, je me demande, pour commencer, s'il ne faudrait pas poser le problème exactement à l'envers. Ce qu'il y a à comprendre, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de mouvement d'indignation mais que parfois ils s'en produisent. Je crains que déplorer l'inertie ou l'apathie des masses ne procède d'un sociocentrisme typique de la scolaire intellectuelle ou militante, c'est-à-dire de gens qui ont le loisir, pour les uns de prendre la vue de s'y arriver, pour les autres, d'envisager systématiquement le passage à l'action puisque le passage à l'action est par définition l'essence même de leur activité. On pourra trouver que c'est un argument qui ne vole pas haut, mais il a les robustes propriétés d'un matérialisme rustique. À quoi les gens ont-ils la possibilité d'occuper leur temps? À part les minorités intellectuelles et militantes, le monde se sépare entre les gouvernants dont c'est l'activité à plein temps de régir la vie des autres, et les gouvernés qui consacrent l'essentiel de leur temps éveillé à leur reproduction matérielle, se trouvant de fait renvoyés en toutes autres matières à la passivité de ceux que l'on régit. Cette élémentaire asymétrie temporelle entre organisateurs, délégués et payés à plein temps pour organiser, et les organiser, opportunément accaparés par les nécessités de leur survie privée, est le plus sûr garant de la stabilité du pouvoir par un simple effet de saturation temporelle. Les militants, en tout cas ceux d'entre eux qui ne sont pas des activistes professionnels, rémunérés comme tels par une organisation, savent c'est ce qu'il en coûte de fatigue supplémentaire, ou de mise sous tension de leur vie personnelle, de s'extraire de la passivité à laquelle évoluerait normalement leurs conditions matérielles. Après 8 heures de travail quotidien, les organisés n'ont plus que les interstices, les soirées, parfois les nuits, les week-ends, pour trouver à redire aux organisateurs, qui, eux, après avoir organisé, rentrent dormir. La force de pesanteur qui résulte de cette division du travail est l'arrière. Plan à avoir en tête pour réaliser d'emblée combien le surgissement d'un mouvement social d'ampleur relève d'une sorte de miracle, en tout cas pour réaliser tous les obstacles, temporels, c'est-à-dire matériels, qu'il lui a fallu vaincre. Ce n'était pas suffisant, il faut compter avec bien d'autres difficultés, et notamment avec toutes celles qu'on pourrait faire entrer sous la catégorie générale de la trahison des médiateurs. Celle des médiateurs médiatiques pour commencer, il vient d'en être question, qui travaillent à faire passer pour normal, conforme à l'ordre des choses ou aux instructions de la raison, les situations les plus anormales. Mais il faudrait prendre le temps d'une analyse complète des mécanismes qui conduisent les médiateurs médiatiques à ne plus rien médiatiser, c'est à dire maintenir dans l'invisibilité les situations sociales et leurs déterminants véritables, dont la seule exhibition suffirait à nourrir de légitimes fureurs, et laisser inaudibles les analyses critiques à quelques exceptions près systématiquement sous-représentées quand elles ne sont pas par principe déclarées carrément tricardes, à moins qu'on ne leur offre des formats si pauvres qu'elles sont bien certaines de n'avoir aucune chance de porter. Les médias sont de fait gestionnaires du bien collectif en quoi consiste l'accès nécessairement raréfié à l'arène publique, et par la tenue à une obligation de diversité. Il faudrait même dire à une obligation d'asymétrie dont devrait bénéficier la critique puisque l'ordre social bénéficie déjà de toute l'asymétrie contraire des forces de la domination. Mais ils ont en quelque sorte privatisé ce bien collectif au profit d'une infime minorité de précepteurs qui, à quelques différences négligeables près, tiennent tout le même langage et, par leur homogénéité, viennent ajouter la domination symbolique à la domination matérielle. De sorte que, à travers les médias supposément médiateurs mais définitivement oubliés de leur vocation, plus rien ne passe sinon ce qui seul célèbre, encourage, ou bien excuse et réhabilite sans cesse l'ordre néolibéral et ceci, très spectaculairement aujourd'hui, à l'encontre même des crises les plus retentissantes de ce dernier. Je dois confesser qu'il m'arrive de penser qu'un renvoi massif de la clique éditorialiste et experte présente pourrait avoir instantanément des conséquences politiques considérables. Qu'on imagine les effets possibles de la dénonciation répétée du caractère odieux du pouvoir actionnarial, de sa responsabilité directe dans les souffrances des salariés, jusqu'au suicide. La démonstration insistante de l'inanité des politiques d'austérité, ou encore la mise à la question systématique de certains partis, de gauche, qui refusent obstinément de mettre sérieusement à leur agenda des problèmes comme l'Europe libérale ou la mondialisation. Mais je confesse également que c'est probablement là une expérience de pensée oiseuse, et à de multiples titres. Dans l'ordre des trahisons médiatiques, l'Athos insu, la pire cependant est sans doute celle des médiateurs politiques, partis d'opposition qui ne s'opposent plus à rien ou bureaucratie syndicale devenues expertes à perdre dans les sables les colères populaires. Est-il utile de consacrer un quart d'heure de plus à l'anatomie pathologique du Parti Socialiste ? On peut difficilement l'éviter ne serait-ce que dans la perspective de l'élection présidentielle, et pour faire le constat que, pour cette édition, le candidat Hollande s'y prend non pas, comme le commandait jusqu'ici un léger réflexe de vergogne, 8 jours avant le deuxième tour, mais 8 mois avant le premier pour faire offre d'alliance avec les centristes, péripétie anecdotique au premier abord. mais en fait raccourci fulgurant qui dit tout ou presque de ce qu'il est permis d'attendre d'une hypothétique présidence socialiste en matière de transformation économique et sociale, à savoir rien. Tout a déjà été dit sur la compromission historique de la social-démocratie, spécialement française, avec le néolibéralisme, mais, pour fermer au plus vite ce lamentable chapitre, on peut tout de même mesurer le degré de faillite historique d'un parti qui ose encore s'appeler socialiste à son incapacité à mettre en cause le capitalisme néolibéral au moment où sa crise apoplectique ouvre une fenêtre d'opportunité historique sans équivalent, et l'on finit par se demander quelle sorte d'événement, quel degré de dévastation serait maintenant requis pour qu'en cette matière l'électroencéphalogramme socialiste émette de nouveau un bip. Le drame actuel de la période tient donc à l'absence de toute force politique autour de laquelle faire précipiter les affects communs de colère et d'indignation. Car voilà le problème, il ne faut pas surestimer la capacité des multitudes à s'auto-organiser à grande échelle. La période actuelle le démontre à contrario, puisqu'aucun des corps sociaux maltraités par les politiques d'austérité n'a encore dépassé le stade des manifestations sporadiques et sans suite pour entrer dans un mouvement de sédition généralisé. Les amis de la multitude, libre sujet de l'histoire, m'en voudront certainement, mais je me demande si pour manifester sa propre puissance politique, elle n'a pas besoin d'un pôle qui fasse focalisation et condensation, et qui la rende, ou par lequel elle se rende cohérente. Sauf à rester diffuse, il faut à la multitude des points focaux où ça précipite, par lesquels elle prend consistance et conscience d'elle. Même si je ne méconnais nullement tout ce qui peut se passer ensuite de captation et de dépossession à partir de ces points focaux. Mais enfin, ce n'est pas ici qu'on va régler le problème de l'horizontalité démocratique. Même si l'on peut au moins dire que, précisément, elle est un problème, et pas une donnée d'évidence. Pour l'heure, faute d'auto-organisation constatée de forces politiques susceptibles de faire pôle constituant ou agrégateur, ne reste que des colères diffuses, non coordonnées, incapables de se rejoindre faute de lieu. Et ce n'est pas sur les directions syndicales qu'il faut compter. Ou si l'on doit compter sur elles, c'est plutôt pour produire les résultats exactement inverses, à savoir ramener à la poussière les germes de colère en voie de fusion. Car, et l'on appréciera la performance, il faut un certain talent dans l'ordre de la négativité pour avoir si artistement volatilisé l'énergie des mobilisations massives de janvier-mars 2009 et des retraites à l'automne 2010. On ne sait pas s'il faut invoquer le dogme, absurde, de la séparation du syndical et du politique, comme si l'action sur les questions sociales n'avait pas un caractère profondément politique, ou bien, surtout, la compromission des institutions syndicales, comme telles organiquement intégrées dans le jeu institutionnel général, est devenue inapte à s'en extraire pour le remettre fondamentalement en cause. Mais le fait est là, le formidable bouillonnement de colère qui avait fait descendre les gens par millions dans la rue en 2009 et 2010 et qui, au-delà de l'occasion formelle des retraites par exemple, avait pour mobile manifeste le rejet de tout un modèle de société, n'a non seulement trouvé aucun leader syndical, ou politique, pour verbaliser ses vérités, mais a été consciencieusement dilapidé par les voies habituelles de la déambulation aussi rituelle qu'inoffensive, dans des quartiers soigneusement choisis pour ne recéler aucun point chaud symbolique, qui a vu sur le trajet République, Nation le moindre ministère, un siège de banque ou de grands médias. Je me dis que bientôt, sur cette belle lancée, on n'aura plus qu'à pousser jusqu'au bois de Vincennes, on aura dérangé quelques écureuils et on rentrera en disant qu'on a bien pris l'air. Fin de cette sixième partie. À bientôt. Bise numérique. Thank you.